Conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, les femmes et les sciences. Il s'appelait François Poulain de la Barre. C'était un philosophe du XVIIe siècle, plus exactement un drôle de personnage. Il fut cartésien, féministe, un temps prêtre de l'Église catholique, un temps protestant, il faut dire qu'à l'époque c'était un peu compliqué. En 1673, il fit paraître de façon anonyme un traité intitulé « De l'égalité des deux sexes », discours physique et moral où l'on voit l'importance de se défaire des préjugés. Il y défendait l'idée que l'inégalité de traitement que subissent les femmes n'a pas de fondement naturel, mais procède d'un préjugé culturel. À l'époque, le mot préjugé était encore tout neuf. En conséquence de son hypothèse, François Poulain de la Barre préconisait qu'on donnât aux femmes une véritable éducation, mais aussi qu'on leur ouvrît toutes les carrières, y compris les carrières scientifiques. Il écrit « Les femmes sont aussi nobles, aussi parfaites et aussi capables que les hommes ». Mais cela ne peut être établi qu'en refusant deux sortes d'adversaires. Le premier est la pensée vulgaire, le second est l'ensemble de presque tous les savants. Fin de citation. Il faut ajouter que c'est à ce monsieur que l'on doit la célèbre formule « L'esprit n'a pas de sexe » que Simone de Beauvoir avait mise en épigraphe du deuxième sexe. Depuis l'apparition du livre de Poulain de la Barre, de l'eau a coulé sous le pont neuf pendant près de 3 siècles et demi. Il est donc temps de se demander quelle est aujourd'hui la situation des femmes dans le champ des sciences. Y sont-elles devenues les égales des hommes, comme il le préconisait? Et si, comme on s'en doute, la réponse à cette question est négative, comment changer la donne? Pour répondre à ces questions, j'ai invité deux femmes. Céline Calvez, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée de la 5e circonscription des Hauts-de-Seine. Vous avez rédigé un rapport sur les femmes et les sciences avec un autre député, Stéphane Viry. Et ce rapport a été remis le 31 mai dernier. Et Michèle Leduc, bonjour, vous êtes physicienne, travaillant dans le domaine de la physique atomique. Vous êtes directrice de recherche au CNRS au laboratoire Kassler-Brossel à l'École normale supérieure. Vous avez obtenu, peut-être qu'on en reparlera, le prix Irène Joliot-Curie, femme scientifique de l'année 2008. Et vous êtes membre fondatrice de l'association Femmes et Sciences, ce qui vous vaut d'être invitée dans les conférences internationales sur ce sujet. J'ai commencé par vous poser une question, Céline Calvez. Comment avez-vous procédé pour rédiger ce rapport, pour étudier cette situation des femmes dans le champ des sciences? Est-ce que c'est une étude sociologique, historique? Vous avez auditionné beaucoup de gens, je crois. Alors sur la méthode, déjà c'est pour le compte de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes de l'Assemblée nationale. Donc ça s'inscrit dans ces travaux. Cette année, la présidente avait décidé de pouvoir mener une étude sur femmes et sciences. Comment nous nous sommes pris? Déjà nous sommes deux co-rapporteurs, pas forcément du même groupe politique. Moi je suis La République En Marche et Stéphane Viry et Les Républicains. Mais nous avons dans notre méthode, aussi bien que dans nos constats et nos recommandations, réussi à trouver un véritable consensus. Notre méthode, elle s'est appuyée sur des auditions qu'on a voulu au maximum croiser, c'est-à-dire vraiment pour pouvoir permettre aux uns et aux unes de pouvoir échanger et rebondir sur leurs propos. Nous avons aussi souhaité pouvoir aller nous rendre sur le terrain. Nous sommes rendus par exemple à l'Institut Pasteur pour aller interviewer aussi bien la direction, ces hommes, ces femmes, qu'au sein des laboratoires de recherche. Et enfin, et c'était une innovation pour la délégation aux droits des femmes, de pouvoir lancer une consultation publique sur le site de l'Assemblée nationale et de pouvoir recevoir comme ça les perceptions et les bonnes idées du public, de nos concitoyens et concitoyennes. Donc ça, c'était la méthode. Et nous sommes arrivés à un constat qui a dépassé nos préjugés de départ, on va dire. Moi, je pensais que la place des femmes était insuffisante, mais en progression. Or, nous avons pu constater que dans bon nombre de champs scientifiques, elle était parfois en régression. Notamment, et ça, ça vaut un cri d'alarme, dans les domaines du numérique, de l'informatique et de l'intelligence artificielle. Et pourtant, les femmes ont été pionnières en programmation. Vous avez raison, elles ont été pionnières. On parle souvent d'Ada Lovelace, mais pas seulement. Et pour autant, on considère que elles en sont absentes aujourd'hui, parce qu'elles sont moins présentes qu'il y a 30 ans. Quand vous prenez les inscrits en informatique, dans les années 80, vous aviez plus de femmes que maintenant. Donc c'est pour ça que l'on parle de régression, à l'heure où l'informatique, la programmation, l'intelligence artificielle est en train de déterminer notre société, nous ne pouvons que nous alarmer des biais que la non-présence des femmes au sein de ceux qui vont faire notre monde de demain va créer. Mais est-ce que vous avez identifié une cause de cette régression ? Alors, les causes, elles peuvent être multiples. La première, c'est des stéréotypes et peut-être aussi sur un manque de perception de ce qu'est vraiment l'informatique et l'intelligence artificielle. Les stéréotypes, plus globalement, et ça s'étend sur toutes les sciences scientifiques, c'est que les femmes n'auraient pas leur place dans les sciences, que la bosse des maths serait plus présente sur la tête des petits garçons que des filles. On les a encore plus il y a 30 ans. Bien, je ne sais pas si on le disait encore plus, mais j'ai été vraiment interpellée sur le fait que, à plusieurs reprises, et encore la semaine dernière, au sein même des jouets scientifiques, quand vous allez à la Cité des Sciences ou au Palais de la Découverte, qui sont plutôt des établissements que j'adore et dans lesquels j'aime emmener ma fille et mon fils, quand vous cherchez une boîte de petits chimistes ou un microscope, sur les boîtes, il n'y a que des petits garçons. Quand vous demandez pourquoi, vous attendez à ce qu'ils constatent, bon, un, on ne s'en était pas aperçu, deux, ah mais non, mais pour les filles, il y a ça, et on me montre un cahier de coloriage. Là, je pense qu'il y avait vraiment quelque chose à avoir, donc je pense qu'il y a les stéréotypes, le manque de rôle modèle, et pourtant ils existent. Vous avez parlé des racines féminines de la programmation avec Ada Lovelace, on en entend de plus en plus parler, on va dire ces deux dernières années, mais ça reste encore assez confidentiel. Donc il y a tout un tas de freins, mais les premiers sont ces préjugés culturels, comme vous l'avez rappelé dans la citation de François Poulain. Le constat que vous faites est assez compliqué à résumer, mais d'ailleurs il y a 23 recommandations, oui. Hein, ce qui veut dire que ce n'est pas un problème simple. Mais est-ce que vous voyez des grandes disparités concernant la place des femmes selon les différentes disciplines scientifiques, entre les sciences dures et celles qu'on appelle humaines et sociales? En médecine, par exemple. Alors, en médecine, c'est un champ qui est assez intéressant à voir, parce que quand vous voyez les premières années, donc les PACES, vous avez plus de femmes qui sont inscrites et qui réussissent aussi. Elles n'ont pas peur de la compétition, parce qu'on sait que c'est très sélectif de pouvoir accéder aux études médicales. Et souvent, c'est expliqué dans le fait où la médecine serait vue comme une science qui permet d'avoir une utilité sociale. On sauve des gens. Et ce que ça permettrait aux femmes de dépasser leur appréhension de l'esprit de compétition. C'est sans doute une explication, ce n'est pas la seule, mais force est de constater qu'il y a des différences selon les champs disciplinaires et que les sciences dures, comparées aux, on va dire même dans les sciences dures, sciences du vivant ou sciences physiques, on constate vraiment une différence. Michel Leduc, on l'a rappelé, vous êtes physicienne dans le domaine donc de la science dure, physique atomique, physique quantique. La croisée de la physique théorique et de la physique expérimentale, est-ce que dans votre champ, il y a l'égalité que prône François Poulain de la Barre? Non, bien sûr que non, pas non plus. Bon, c'est peut-être en physique pas au point de l'informatique, mais effectivement, il y a un déficit de jeunes filles qui s'orientent vers la physique et la technique et les sciences technologiques qui vont avec, parce qu'il y a les sciences fondamentales et les sciences appliquées. Oui, il y a un déficit. Dans mon propre labo, Castelbroissel, il n'y a pas plus que 20% de jeunes femmes. Mais est-ce que la situation s'améliore? Non, ou est-ce Non, la situation ne s'améliore pas. Puis je peux vous donner un exemple personnel. Les femmes invitées dans les congrès de physique, il n'y en a pas beaucoup hein, dans les congrès internationaux. Il m'est arrivé, il n'y a pas si longtemps que ça, d'être invitée dans un congrès international de physique atomique et de physique quantique en Australie. On m'avait payé le voyage. 40 invités, une seule femme. J'ai commencé mon intervention en disant, quand même, j'arrive à la fin de ma carrière, je suis la seule femme. Je pensais au début de ma carrière que c'était normal d'être la seule femme. Je vois que maintenant, je suis encore la seule femme, il y a quelque chose qui ne va pas. Puis ensuite, je fais mon exposé. J'ai vu pendant tout mon exposé de physique, pendant tout le temps où je parlais, que les hommes parlaient entre eux, premier rang, les responsables, etc. Ensuite, je n'ai eu que des questions sur, mais pourquoi vous dites ça, les femmes, il y en n'a pas, on n'en trouve pas, on a essayé, etc. Voilà. Donc, c'était quand même il n'y a pas si longtemps. Et ça montre qu'il y a quelque chose à faire. Et il y a des préconisations dans votre rapport qui vont tout à fait dans le bon sens. Moi, j'interviendrai surtout sur vos recommandations qui commencent à partir de la numéro 14. Il y en a beaucoup qui sont certainement plus importantes. On va les commenter, mais je voudrais qu'on continue un peu sur le constat, si vous voulez bien. Oui, le constat, ça dépend évidemment en physique. Hein, la physique, c'est vaste. Ça dépend évidemment des sous-disciplines, hein, parce que c'est très vaste. Mais plus c'est théorique, moins il y a de femmes. Et plus vous allez vers la chimie, plus vous en trouvez. La chimie physique, vous en avez plus. La chimie biologie, la physique biologie, vous en avez plus. Donc, on se rapproche du constat. C'est peut-être corrélé à l'énergie aussi. Plus on va vers les hautes énergies, plus il y a d'hommes. Et oui, à basse énergie, en biologie, par exemple. Oui, c'est ça. Oui, je ne sais pas si c'est parce que c'est de la physique plus haute, mais tout ce qui est théorique s'approche des mathématiques et travaille avec les mathématiques en physique théorique. Et dans ces disciplines, il n'y a pas beaucoup de femmes. Céline Calvet, dans votre travail, vous avez étudié beaucoup de données et il y a des résultats qui m'ont surpris. Par exemple, en France, les filles sont plus bachelières que les garçons. Et d'une façon générale, les femmes sont plus diplômées que les garçons. Toutes disciplines confondues. Et la durée des études pour les femmes est plus longue que pour les hommes, en moyenne. Ouais. Vous soulevez là un paradoxe, justement. C'est-à-dire qu'on a des femmes qui poursuivent, qui réussissent mieux, mais qui pourtant se retrouvent dans les domaines scientifiques beaucoup moins représentées, aussi bien dans les études, dans l'enseignement supérieur, que dans les carrières. À quel moment il y a une bascule? Et là, il faut peut-être aller comprendre comment on peut manager sa carrière dans le milieu scientifique. Et c'est peut-être un manque de prise de conscience. On parle souvent aussi d'autocensure, où on aurait sans doute ces freins à soulever. Alors il faut accompagner, expliquer quels sont les passages clés, comment les anticiper pour pouvoir vraiment, vraiment faire carrière si l'on le souhaite. Et de pouvoir du coup soulever et enlever cette situation paradoxale qui serait que les femmes réussissent mieux mais s'arrêtent plus vite. C'est dommage. Mais comment est-ce qu'on peut faire la part des choses entre ce qui relève de l'autocensure et ce qui relève du désir? Oui, on peut, ne pas décider d'aller dans telle voie, non pas parce qu'on s'autocensure, mais parce qu'on n'a pas envie d'y aller. Il y a un paradoxe norvégien, pour soulever un autre paradoxe, qui constaterait que plus les femmes sont libres, moins elles s'orientent vers les sciences. Alors que dans les pays où les femmes n'ont pas encore atteint d'indépendance économique, elles s'orienteraient plus par les sciences parce que ce serait une manière de se libérer. Oui, mais moi je voudrais dire qu'on ne présente pas les sciences sous un jour attractif, en revenant plus bas comme niveau dans le secondaire et même dans le primaire. Là il y a quand même, et je trouve que ce sont les recommandations les plus importantes que vous avez faites. Mais ça vaut pour les filles et les garçons de la même façon. Ça vaut pour les filles et les garçons, mais ça vaut aussi beaucoup pour les filles. On ne représente pas, en particulier donc au collège et au lycée, les métiers qu'on peut faire avec ça, comme attirant, on les présente en général pas, et quand on les présente, ils sont pas vraiment pourvus d'attraction, ils ne font pas rêver. Les professeurs ne savent pas bien faire rêver autour de ces métiers, et pourtant il y aurait beaucoup de choses qu'on pourrait faire pour les. Il y a une déperdition au niveau du secondaire. Au niveau du primaire, je peux vous dire qu'il m'arrive, moi, de temps en temps, de faire des petits exposés pour les classes de CM, avec mon association Lumière et Société, des choses comme ça. Et là, on voit que filles et garçons réagissent avec le même enthousiasme, posent des questions, savent des choses, souvent même plus que ce qu'on leur dit, et participent beaucoup. Quand on fait la même chose, pas la même chose, c'est pas le même niveau, mais une intervention dans une classe, en troisième, vous avez beaucoup moins, vous suscitez beaucoup moins de rêves, et vous avez les filles qui sont visiblement moins passionnées. Elles viennent vous voir après en me disant « Mais madame, vous ne nous avez pas dit, mais vous-même, alors vous faites ce métier, mais ça doit être dur, hein, ça doit être ennuyeux. Et puis, est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous arrivez à faire votre vie de famille quand même? Est-ce que vous croyez vraiment que c'est pour les filles ?» en off. Hein. Ouais. Ceci pour vous dire que moi, je pense que quand on fait des interventions dans les classes, c'est très important d'en faire, hein, de se montrer, pas forcément parce qu'on est la meilleure des meilleures, mais on a un rôle quand même à montrer des femmes qui font de la science. Il faut aussi avoir un petit zeste de personnalisation de l'intervention. Expliquer qui on est, pourquoi on fait ça, oui. Et expliquer que ça fait rêver et que c'est beau et que qu'on est passionné et puis que ça n'empêche pas de vivre. Hein, que ça n'empêche pas de vivre. C'est des métiers qui n'empêchent pas de vivre. L'idée qui est dans la tête des filles, c'est que ça bloque la vie personnelle. Mmh. C'est une idée fausse, parce que si elles font des métiers comme la médecine, c'est aussi très lourd et très compétitif. Et si elles vont dans les professions artistiques, la compétition est encore pire. Hein, ouais, voilà. Mais c'est vrai que, et ce que vous faites, je le salue, parce que ça vraiment, ça participe à ce qu'on incarne. Et quand on parle de rôle modèle, qui est cette expression qui est passée dans notre langue française aussi, pour montrer qu'on a besoin d'avoir des femmes qui vont témoigner justement de leur parcours, de leurs valeurs à la contribution scientifique. Et c'est bien d'aller voir les plus jeunes parce qu'effectivement, ça ne se joue pas au moment du secondaire ou de l'enseignement supérieur, ça se joue avant. Et vous avez soulevé plusieurs questions, qui est celle de l'orientation. Déjà, c'est difficile d'avoir une vraie visibilité sur les métiers d'aujourd'hui qui changent sans cesse. C'est un vaste problème qui dépasse les sciences. Vous avez soulevé, Étienne, la diffusion de la culture scientifique, aussi bien auprès des filles que des garçons. Et à l'école, il y a aussi quelque chose qui tient au recrutement. Vous avez beaucoup de professeurs des écoles qui sont venus au métier avec une aversion à la science. Comment je fais passer, quand je suis auprès des tout-petits, un certain goût pour la démarche scientifique, quand je suis en majorité issue de filières littéraires, avec parfois vraiment un rejet des matières scientifiques. Donc ça pose aussi la question du recrutement de nos enseignants, la façon dont on va pouvoir faire les premières interactions entre les petites filles et les petits garçons et l'objet science. Quand on regarde un tangramme, s'il est exposé au sein d'une classe, déjà, est-ce qu'il est sorti du tiroir et on le propose à qui ? Moi, j'ai une fille qui a 5 ans et j'étais assez surprise parfois de voir que les briques, c'était pour les garçons et tous les garçons étaient autour. Et elle me disait, mais je n'ai pas le droit d'y aller. Ça me révulsait. Donc on lui faisait une place. Mais l'idée, c'est vraiment qu'on puisse donner goût aux sciences et puis accompagner ces jeunes filles dans leur prise de décision. Et enfin, vous souleviez quelque chose qui était on montre plus la technique et pas forcément la finalité de la technique. Si j'apprends que grâce au code, je vais pouvoir répondre à un besoin de société, si j'ai ça en focus, je vais pouvoir me passionner pour le code, alors que si on me dit « regarde le code, c'est drôle », c'est peut-être pas suffisant. C'est peut-être ça n'intéresse que les geeks. En tout cas, ça pourrait exclure, et là pour le coup aussi bien des filles que des garçons, alors que si on monte la finalité, et c'est ce que fait notamment Maria Clow, que j'ai eu la chance d'écouter dans le cadre de ce rapport d'information, qui disait que moi je prends des jeunes filles du lycée, je leur parle pas du tout en premier lieu de ce que représentent les STEM, est-ce que la programmation informatique va faire. Par contre, je leur montre les finalités et elles-mêmes, elles se disent, tiens, on a besoin de ça, donc je vais aller, ça devient un moyen. Je m'excuse de vous interrompre, mais c'est le moment d'écouter le premier morceau de musique, celui que vous avez choisi, Céline Calvé, et vous serez ensuite invité à le commenter. Calvez, et non pas Céline Calvé, comme je l'ai dit tout à l'heure, excusez-moi. Cette chanson, c'est Cyndi Lauper, on dirait. Oui, c'est Cyndi Lauper, c'est Girls Just Wanna Have Fun. Je l'ai choisie parce que pour moi, c'est vraiment un hymne assez générationnel. On est dans les années 80, c'est ce que j'ai pu entendre quand j'étais plus jeune, et qui, pour moi, est vraiment le symbole d'une femme qui s'assume et qui est libre. Et je l'ai choisie également parce que là, on parle de fun. On associe les filles et l'amusement, et je pense qu'elles peuvent complètement le trouver dans la science. On peut avoir vraiment en jouant vraiment du plaisir à pouvoir, avec les sciences, découvrir sur les autres, résoudre un problème, ça peut être source de fun. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi. Michel Leduc, vous vouliez commenter ce problème de l'orientation, par exemple ? Oui, je pense que les professeurs ont un rôle très important. C'est pour ça que je me focaliserai volontiers sur votre recommandation numéro 1, que je trouve de loin la plus importante. Renforcer, développer la formation initiale des enseignants dans les ESPE. Écoutez, je crois que vous savez que ça n'a pas beaucoup changé et que les enseignants qui ont le rôle de l'orientation aussi pour leurs élèves ne sont pas ont des biais de genre dans leur esprit. Ils sont aussi victimes des stéréotypes comme nous-mêmes d'ailleurs, mais je peux donner un exemple. J'ai une fille qui est plus grande que la vôtre, mais qui était, il n'y a pas si longtemps que ça, en classe terminale, et elle était très bonne en sciences et en particulier en mathématiques, et j'ai eu la surprise de voir dans les indications que donnait son professeur pour le passage en classe préparatoire, un B. J'ai pas compris. Du coup, je suis allée voir le professeur de maths. Je n'allais pas souvent voir les professeurs, j'avais pas tellement le temps. Je pensais que les enfants devaient travailler très bien tout seuls. Mais là, je lui dis, mais monsieur le professeur, là, pourquoi avez-vous mis un B ? Ah, me dit-il, parce que vous savez, je me suis pas présentée d'abord avec tout mon pédigré. Hein. J'ai dit, comme un parent ordinaire, je vais le voir. C'était un lycée de banlieue, tout à fait modeste. Pourquoi lui avez-vous mis un B ? Vous comprenez, madame, les classes prépa, c'est dur, et puis c'est vraiment ennuyeux, et puis pour les filles, je pense que c'est pas le plus adapté. D'ailleurs, regardez votre fille, comme elle est jolie, et comme elle est mignonne, et puis elle a l'air fragile. Voilà, elle est blonde, elle a les yeux bleus, c'est vrai qu'elle est jolie. Bon, comme elle est jolie, comme elle est mignonne, les classes prépa sont pas pour elle. En fait, je dis, alors, j'ai aussitôt dégainé mon pédigré, oh là là, il a fait marche arrière, il a mis un Anna, elle a fait une classe prépa, très bien, elle s'en est tirée, elle peut tomber malade, elle est entrée à l'école normale supérieure de Lyon et maintenant elle fait de la recherche et elle est passionnée par ce qu'elle fait, elle travaille pour à l'Institut Pasteur sur les questions du cancer. Mais voyez, si je n'avais pas été derrière en tant que parent attentif et bien sûr parent et un enfant d'héritier intellectuel, voilà, elle n'aurait pas fait. Mais est-ce que le rôle des parents ne peut pas jouer dans l'autre sens, c'est-à-dire être dissuasif pour les filles? Ah, complètement, on l'a constaté, on a eu des témoignages où justement ce sont les parents qui ne voulaient pas, alors qu'il y avait une demande expresse des jeunes filles d'aller vers ces métiers scientifiques, qui réfrénaient en disant, en ayant le même discours que le professeur a pu tenir à vous, oui. Michel, tant c'est dur, ça va être difficile, etc. Donc c'est toute la société qu'il faut éduquer, les professeurs, les parents d'élèves, les associations, oui. Via les associations, tout le monde doit jouer. Tout le monde doit jouer, parce que, pour rebondir sur votre exemple, Michel, c'est que, imaginons, votre fille va découvrir quelque chose d'essentiel pour lutter contre le cancer. Si vous n'aviez pas été là, et si simplement le professeur avait dit « c'est pas pour vous », ça veut dire que la science n'a pas eu la contribution essentielle de votre fille. Oui, mais c'est la moitié de l'humanité. Hein. Voilà, quand on ne peut pas s'en passer. Il y a un potentiel à exploiter, là. Et on ne peut pas s'en passer, parce qu'effectivement, on a tellement de défis qui nous attendent que si on se prive de la moitié de l'humanité, on va se priver du progrès aussi. Mais est-ce que ce n'est pas parce qu'on ne met pas assez en avant des grandes figures de la science féminine, si j'ose dire ? Marie Curie, elle a quand même eu deux prix Nobel très tôt. Marie Curie, ça joue toujours. Ça marche toujours. Mmh. Quand vous parlez de Marie Curie, ça marche toujours. Et dans votre rapport, vous dites une phrase que j'ai trouvée autocontradictoire. Vous écrivez, dans l'histoire des sciences, les femmes apparaissent comme invisibles. Oui. Alors l'idée, c'était vraiment de jouer sur ce paradoxe entre l'apparition et l'invisibilité. Mais sur Marie Curie, effectivement, alors quand on a consulté les citoyens, il y avait spontanément beaucoup de dénonciations du nom de Marie Curie. Peu après arrivait, mais il y en avait quand même quelques-unes. Mais quand on a approfondi cette question de Marie Curie, le fait qu'elle ait deux prix Nobel, eh bien ça peut être un facteur de presque de rejet. C'est intimide. C'est intimide. Trop, c'est trop, oui. Voilà. Donc il faut qu'on ait des rôles modèles aussi qui soient un, contemporaine, c'est vrai que c'est plus sympa, et puis qu'on soit aussi dans une proximité. C'est-à-dire que si vous êtes avec des jeunes femmes et que vous leur donnez un modèle double prix Nobel, le défi est assez grand. Alors que si je suis capable de rencontrer des femmes scientifiques qui ont peut-être 5, 10 ans de plus que moi, je vais avoir cette possibilité de me reconnaître et de voir que l'objectif est atteignable. Donc c'est intéressant de multiplier, et on l'encourage, les actions de mentorat, les actions de rencontres, comme vous faites, Michel, quand vous intervenez auprès des écoles primaires ou au collège, de pouvoir montrer que vous êtes une femme, vous pouvez parler normalement, vous pouvez avoir vécu une vie normale et en même temps avoir accompli des choses exceptionnelles. Eh bien, ça reste, on se souvient de ces rencontres. Plus on multipliera ces rencontres avec ces rôles modèles, plus on permettra de faire émerger les potentiels des talents scientifiques de demain. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Votre étude a montré beaucoup de paradoxes. Par exemple, vous rappeliez tout à l'heure que les femmes vont très volontiers dans les études de médecine. 80% des candidats en première année sont des femmes. Et pourtant, vous citez un article du Monde du 6 décembre 2017, rappelant que l'Académie de médecine ne compte que 8 femmes sur 135 membres. Ça fait 6%. Et à l'Académie de pharmacie, c'est encore pire, si j'ose dire. C'est 29 femmes sur 255 membres. Oui, on est très très loin. Hein. C'est-à-dire que... Comment on explique ce renversement presque? Ce renversement, en tout cas, ça veut dire, alors, soit on a l'œil optimiste et on dit, c'est super, ça va de lui-même, vu qu'on a de plus en plus de femmes, par exemple, en médecine, à l'Académie de médecine, ça va se renverser, ça va être très bien. Donc ça, c'est la lecture optimiste où il ne faudrait rien faire. Et la lecture un peu plus réaliste, ce serait de dire que on n'a pas ménagé la poursuite, et on en revient à la conversation de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai entamé ma carrière, comment j'ai suffisamment conscience des pas que vont me demander tel ou tel moment de carrière clé, hein, et qui correspondent parfois à des moments clés dans la conduction d'une vie de famille en plus. On l'a vu notamment par rapport à la date de maternité et la date d'accession à la direction de recherche, qui sont dans les mêmes années. Donc plus on aura de manière à les rendre déjà un, anticipé, et deux, facilité, plus on arrivera sans doute à avoir des représentations un peu plus égalitaires dans les hautes sphères. Oui, je voudrais rebondir dans ce que vous dites, Michel Leduc. Cet ordre d'idées. Le moment où la carrière, là, puisque maintenant on est dans la carrière des femmes scientifiques, se détermine, il y a une difficulté qui est que l'âge de recrutement ne fait que devenir de plus en plus élevé, au CNRS ou dans l'enseignement supérieur. Avant, il y avait des barrières qui étaient mises pour les dates limites d'embauche. Et c'était considéré comme positif pour les femmes, parce que maintenant qu'il n'y a plus ces limites, les femmes, la compétition continue à jouer, les femmes sont de plus en plus en compétition avec des hommes, donc elles retardent l'âge de la maternité, d'autant plus que les durées de post-doc s'allongent, et du coup, elles sont moins favorisées pour les embauches. Cet allongement de la durée d'attente avant d'être recruté, ce qui est quand même en France quand même très positif, on peut être recruté relativement jeune dans l'enseignement supérieur à la recherche par rapport aux autres pays. Enfin bref, cet avantage est en train de disparaître. Voilà, c'est ce que je veux dire. Mmh. Et donc dans les préconisations que vous ne faites pas, mais que vous auriez pu peut-être faire... Le travail continue. que vous auriez pu faire, c'est de revenir à une limite sur l'âge d'embauche. C'est plutôt un biais favorable pour les femmes, voilà. Et c'est une chose que je voulais dire. Et puis, je voudrais revenir aussi sur le mentorat et le tutorat, je ne sais pas comment vous l'appelez. Et ça, c'est considéré comme extrêmement important, en particulier pour... Tu as quelqu'un est doctorant, une doctorante ou post-doctorante, n'a pas encore de poste, en train de finir sa thèse ou de travailler juste après sa thèse, et se demande comment elle va continuer sa carrière. Eh bien, il est important que quelqu'un... des associations de femmes de sciences lui fournissent une femme, modèle ou pas modèle, mais enfin une femme qui est déjà plus avancée et qui puisse lui donner des conseils, l'aider à formuler ses premièrement à formuler ses compétences, parce qu'en général les femmes sont moins capables de formuler leurs compétences, elles les formulent plutôt en creux qu'en positif, donc elles se poussent moins, elles sont peut-être plus honnêtes, je sais pas, et puis les protéger, les aider à passer au-delà de leur hésitation, et elle leur dit, mais oui, tu peux, mais pourquoi pas toi, tu es aussi bonne que ton collègue, etc., etc. Mmh. Donc, c'est le, et puis, il peut y avoir aussi du mentorat ou du tutorat une fois que une jeune femme a un poste. Une fois qu'elle a un poste, que ce soit dans le... Enfin, moi, je pense plutôt à l'enseignement supérieur à la recherche, mais il y a encore besoin d'aide pour aller au-delà de toutes les barrières qui justifient le plafond de verre. Ouais, et ce que vous pointez, c'est la formulation des compétences, de les reconnaître. Oui. Et effectivement, on dit souvent que pour un même poste, un homme se poserait moins de questions, même s'il pense avoir que 80% voilà. des compétences... Il ira, alors qu'une femme, si elle a pas, elle a moins de 130% des compétences, elle n'y va pas. Les femmes sont en général accrochées à leur niveau de compétence et on peut pas vraiment leur reprocher ça. Mais si elles en restent là, c'est un peu, ça les limite dans leur carrière, si vous parlez des carrières. Vous savez, il y a une étude très intéressante qui a été faite au CNRS par la mission pour l'égalité des hommes et des femmes. Cette mission est très active, elle fait un excellent travail. C'était poser la question aux jeunes diplômés, hommes et femmes, déjà en poste, on vous propose un poste de responsabilité qui va un peu au-delà de votre travail de recherche. Alors, soit direction de labo, soit niveau plus élevé, quelque chose. Est-ce que vous êtes tenté ? Et très différemment, la réponse était 40% des femmes disent non et 80% des hommes disent oui. Mmh. La différence était énorme. Donc peut-être que le désir de pouvoir, comme on dit, n'était pas là. Ou que l'autocensure s'active. Ou l'autocensure, mais c'était certainement un peu des deux. Ouais. D'ailleurs, vous utilisez plusieurs analogies, Céline Calvez, dans votre rapport, pour dire le plafond de verre dont on parle en ce moment. Leaky pipeline, le tuyau percé, c'est quoi ça? En fait, ça veut dire qu'il y a de la déperdition au fur et à mesure qu'on gravit les postes à responsabilité. La proportion de femmes, t'écrois. En fait, ce que vous pointiez tout à l'heure à l'Académie des sciences... C'est le résultat final. C'est le résultat final. C'est-à-dire qu'il y a au départ un niveau d'eau, on va dire, vraiment, vraiment haut, mais... Au fur et à mesure qu'on suit le tuyau qui nous amène à ces postes de responsabilité, il y a des fuites, il y a justement une déperdition, et notamment par de l'autocensure. Il y a aussi un phénomène et qui fait l'objet d'une de nos recommandations, c'est que si vous avez un couple de chercheurs, l'homme va candidater et va avoir un poste, imaginons, à l'étranger, et c'est plutôt la femme qui va suivre. Sauf que si nous n'accompagnons pas la possibilité pour la conjointe d'accéder aussi à un poste sur le même lieu ou très proche pour exercer son métier, on a ce phénomène de leaking. Ça veut dire qu'on perd des femmes parce qu'elles vont suivre, elles vont faire le choix de suivre leur conjoint. Donc, quand on est allé à l'Institut Pasteur, ils ont mis en place justement une vraie attention sur on vous veut comme candidat, mais on regarde aussi votre conjoint ou votre conjointe. Ça marche dans les deux sens. C'est excellent. Vous parlez également de plancher gluant. Parce la même chose. Je dirais que c'est pas la même chose dans le sens où là c'est plutôt la planche qui est bien savonnée, c'est-à-dire qu'on vous facilite pas votre stabilité et votre capacité à pouvoir monter. Moi, je voudrais revenir sur cette recommandation très originale pas du tout attendue sur les carrières conjointes, parce que c'est un véritable problème. Et je sais que l'Institut Pasteur fait ça, mais si ça pouvait être généralisé un peu plus dans les universités, pensez aux carrières conjointes. Ça faciliterait beaucoup les choses pour les femmes, parce que c'est souvent dans ce sens-là que ça se pose. Et puis, je voudrais en profiter pour dire que l'obligation de mobilité, puisqu'on parle de mobilité, qu'on fait dans l'évaluation pour les chercheurs, les anciens chercheurs, cette obligation presque nécessaire d'avoir bougé, elle n'est pas du tout favorable aux femmes. Et donc, il faudrait parce que les femmes ont moins possibilité de bouger. Moi-même, j'ai pas pu faire le post-doc que je voulais parce que ça convenait pas à mon mari à l'époque. Vous voyez, ça a un petit peu changé, mais pas tant que ça. Et donc, il faudrait un peu revoir aussi les critères pour les carrières. Et voilà. Effectivement, il y a d'autres critères que l'on devrait mettre en œuvre, et ça fait l'objet aussi d'une des recommandations. C'est-à-dire que souvent, on va focaliser notre attention sur les publications scientifiques. Ah. Et nous, ce que l'on prône, c'est que l'on puisse prendre en compte la participation aux conférences, le mentorat, comme une contribution à la science, et qui devrait aussi être en contrebalancement, si on peut dire, avec les publications scientifiques. Parce que quand vous êtes une femme et que vous voulez œuvrer pour l'inclusion des femmes dans la science, vous prenez de votre temps pour faire du mentorat, vous prenez de votre temps pour participer à la conférence, vous prenez votre temps parce que vous voulez que cette conférence elle soit assez paritaire et qu'on ne se retrouve pas comme Michel, seule femme auprès de 40 scientifiques. Eh bien, ce temps-là, c'est d'autant de temps que vous ne pouvez pas passer à valoriser vos recherches. Donc, il faudrait qu'on puisse, au sein des établissements, pouvoir vraiment encourager à ce qu'on prenne ça en compte, vraiment, pour faire monter dans les carrières scientifiques. Mais le problème vaut pour les hommes de la même façon? Oui. Mais dans ce que vous dites, moi je retiens peut-être que c'est vrai qu'on demande toujours aux mêmes femmes les mêmes choses et qu'il faudrait quand même diversifier et qu'il y a possibilité d'avoir des femmes compétentes dans les conférences qui ne sont pas toujours les mêmes et dans les conseils scientifiques et dans les conseils d'administration. Oui. Et pour ça, il y a un travail à faire et ce sont plutôt les associations qui font ça. Oui. Par exemple en physique, la Société française de physique, européenne et française, établissent des listes de femmes susceptibles d'être invitées, de bon niveau, susceptibles d'être invitées, pour qu'on n'ait pas la réponse qu'on m'envoie à chaque fois. « Ah, mais y a pas, tu dis qu'il n'y a pas assez de femmes invitées, mais il n'y en a pas. On n'en trouve pas. » Et donc, en fait, si on cherche, on trouve. Voilà. C'est simplement qu'on ne les connaît pas suffisamment, elles ne sont pas si visibles. Donc, avoir des listes ouvertes, publiques. Et il y a quelque chose en plus à faire aussi, c'est-à-dire d'avoir cette liste. Il faut aussi que chaque femme qui intervienne soit aussi responsable. Je fais écho à une initiative d'un collectif qui s'appelle Jamais sans elle, qui demande à plusieurs personnalités de s'engager à ne pas participer à une conférence ou voilà un panel d'experts si on n'atteint pas un certain seuil de parité. Ça veut dire que, par exemple, c'est un encouragement à ce que vous disiez « Non, je ne vais pas en Australie, je ne participe pas à votre conférence. » Tant que vous n'avez pas plus de femmes. Ça a été fait, par exemple, dans le secteur de l'énergie. Je me souviens d'une, il y a quelques mois, une conférence où je il y avait que ça a été aussi fait à la conversation scientifique. Depuis deux mois, je ne reçois que des femmes. Oui, mais le CNRS devrait le faire, à mon avis. Le CNRS, c'est une préconisation que vous pourriez faire en plus. Le CNRS ne devrait pas donner des subventions à des conférences s'il n'y a pas un nombre suffisant de femmes dans les invités et dans le conseil scientifique. Alors, je suis obligé de vous interrompre parce que François Connac, qui réalise cette émission, me signale qu'il est temps de passer le second morceau de musique. C'est pas évident. Celui choisi par Michel Leduc. C'est Schubert, je crois. Thank you. Duc, vous avez choisi Schubert. Oui, j'ai choisi Schubert parce que, bien sûr, j'adore Schubert et toute la musique classique et en particulier période romantique. Mais j'ai choisi surtout une œuvre pour quatre mains parce que je suis pianiste amateur. Je me suis acheté un piano à queue à une époque où j'avais pas du tout d'argent quand j'ai eu mon premier prix de physique. C'était pour un piano à queue. Donc, j'aime beaucoup jouer avec d'autres et en particulier le quatre mains. Donc, cette partition de Schubert, qui est particulièrement belle dans la musique de quatre mains, est une œuvre que je joue avec des partenaires variés et souvent meilleurs que moi, mais c'est un immense plaisir. C'est une œuvre romantique, c'est une œuvre mélancolique qu'on jouait dans les salons, c'est une œuvre de la fin de la vie de Schubert, où le thème que vous avez entendu revient à plusieurs reprises, y compris à la fin. Il y a un moment où Schubert se reprend de façon volontariste, par une grande fugue un peu brillante qui a pas mal de difficultés techniques et qu'il faut jouer comme si c'était très beau. Voilà. Donc c'est un grand plaisir. Merci pour ce joli commentaire. Céline Calvez, dans votre étude qui est d'abord consacrée à la situation française dont on a rappelé le constat, vous avez aussi regardé du côté de l'Europe. Est-ce que le fait que les femmes soient sous-représentées dans les carrières scientifiques vaut aussi en Allemagne, en Italie, en Angleterre? Oui. On est en Europe sur... Bien qu'il y ait des cultures très différentes. On a des cultures latines, on a des cultures anglo-saxonnes, et pour autant, on retrouve ce même phénomène qui n'est pas constaté de la même façon dans d'autres continents. Donc, on peut se poser légitimement la question que je soulevais avant sur ce paradoxe norvégien qui n'a pas été prouvé vraiment scientifiquement, mais qui serait de dire est-ce que c'est parce que les femmes seraient plus libres en Europe que dans d'autres pays, ça expliquerait leur relative absence par rapport à d'autres pays, Amérique du Sud, Asie. Bon, c'est une théorie. En tout cas, il y a quelque chose d'assez proche. Pour autant, dans la sphère du numérique, c'est sans doute un peu plus criant en France, notamment dans les écoles qui forment à la programmation, au codage, etc. On est en France quand même en dessous. Quand on prend des exemples suédois, on a plus de femmes. Donc ça pose quand même question. Mais il y a parfois des surprises. Par exemple, un physicien que je connais bien, qui s'appelle Ettore Majorana, qui a disparu en 1938, enfin je connais sa biographie, hein, je ne l'ai jamais rencontré. Il a donné des cours à l'université de Naples entre janvier et mars 1938, juste avant de choisir de disparaître. Et à cette époque-là, enfin en tout cas cette année-là, en Italie, tous les étudiants en physique théorique, qui allaient à ses cours, étaient des étudiantes. En Italie. Oui, enfin, et donc, est-ce qu'on arrive à comprendre ces espèces de bizarreries, alors que quand on regarde les bancs de la Sorbonne, d'Oxford ou de l'université de Vienne à la même époque pour les cours de physique, on ne voit que des hommes. Où étaient les hommes en 1938? Ils n'étaient pas encore à la guerre. Oui, il ne s'agit pas d'explication. Néanmoins, dans les pays du sud de l'Europe, si on regarde à l'intérieur de l'Europe, dans les pays du sud et chez les jeunes, on voit plus d'arrivées de jeunes femmes dans la recherche, dans les sciences dures, dans des pays comme Portugal, Espagne, Italie, que dans les pays du nord où ça stagne. Donc la culture est différente et comme elles accèdent depuis moins longtemps à toutes ces professions-là, il y a une plus grande liberté. Paradoxe aussi. Oui. Mais revenons à la France, qu'est-ce que les hommes peuvent faire à l'affaire, à votre avis? Beaucoup de choses, puisque comme c'est plutôt un enjeu de société et pas seulement un enjeu de femmes, l'idée vraiment c'est de dire qu'on a besoin de l'intelligence et des compétences des femmes pour pouvoir relever les défis scientifiques. Donc ces défis scientifiques vont pouvoir bénéficier à l'ensemble de l'humanité. Donc les hommes doivent se sentir concernés. Donc déjà il faut aussi que, comme vous Étienne Klein, des hommes s'engagent pour pouvoir faire plus de place aux femmes dans les sciences. Et puis il faut aussi que chaque homme puisse se poser la question dans son métier, est-ce que là je n'ai pas eu une attitude sexiste? Est-ce que là, en choisissant ce candidat plutôt que de cette candidate, est-ce que j'ai vraiment écouté juste mon intérêt personnel ou écouter l'intérêt pour la science. Oui, moi, vous avez prononcé le mot sexisme. Moi, je suis très sensible à cette question. Hein. Vous savez, je m'occupe d'éthique pour le CNRS, le comité d'éthique. On s'est préoccupé des phénomènes de sexisme ordinaire dans l'enseignement supérieur et la recherche. À la surprise générale, parce que on pourrait penser que dans ces milieux de haute culture scientifique, il n'y a pas des comportements qu'on dénonce dans le reste de la société et pas seulement dans le cinéma. Eh bien, ça n'est pas vrai. Et on a trouver des comportements sexistes et qui se prolongent jusque dans le harcèlement sexuel en grande quantité, de quantité tout à fait qu'on n'avait pas envisagé dans nos labos. Il faut dire que le travail dans le laboratoire, et c'est un travail assez confiné quand vous êtes une thésarde avec un patron de recherche, et si ce patron vous a des comportements inappropriés, vous êtes un peu sa prisonnière, parce qu'il peut très bien décider de vous laisser tomber, et à ce moment-là, votre carrière est perdue. Mmh. C'est encore plus confinant comme milieu que le milieu de l'entreprise, où même vous pouvez démissionner. Même si les carrières scientifiques ne s'exercent pas toutes en laboratoire, bien sûr, oui. Je ne sais pas si, Michel, vous avez vu une différence dans les laboratoires suite à MeToo, Balance ton porc, en fait, voilà, tout ce mouvement de société. On en a parlé, alors qu'on n'en parlait pas. Donc, le comité d'éthique dont je vous parlais a fait un avis sur le harcèlement dans les labos qui a suscité beaucoup de commentaires étonnés, hein, plutôt que voilà. Déjà, ça favorise les stéréotypes dont on parlait tout à l'heure, ils ne viennent pas de nulle part, ils ont été préparés, notamment par des hommes. Je voulais vous lire deux citations. L'une de Schopenhauer, le grand philosophe allemand. « Peuple de galantins que vous êtes, dupes innocentes qui croyaient, en cultivant des femmes, les élever jusqu'à vous, comment n'avez-vous pas encore vu que les reines de vos sociétés ont de l'esprit souvent, du génie par accident, mais de l'intelligence jamais ?» Schopenhauer. Vous citez Fénelon dans votre rapport, on pourrait citer d'autres exemples d'hommes qui, par des espèces d'a priori, exclut la femme. Vous savez, ça se retrouve jusque dans les comportements quotidiens dans les labos. Moi, même maintenant, où je suis à la fin de ma carrière, dans une assemblée où vous avez des hommes et des femmes, vous émettez une idée, personne ne la relève. 5 minutes après, un homme émet la même idée. Et le président de séance dit « Oh, quelle bonne idée !» Voilà. Et ça, c'est souvent, et ça a été théorisé. Et ça m'arrive encore. Il y a tout un mouvement de femmes dont moi j'espère faire partie au maximum dans les réunions, c'est-à-dire de reprendre l'idée d'une femme en lui attribuant, justement, pour éviter qu'un homme se l'attribue sans pouvoir dire que la première. Il y a vraiment ça, moi j'ai pu le constater. Hein, et pas est-ce que ce phénomène a à voir avec la science ou est-ce que ça a à voir avec le pouvoir ? Oui, ça va avec les deux. Vous qui êtes dans la politique, Céline Calvez, est-ce que vous constatez la même chose ? Oui, moi je le constate, mais je le constatais aussi avant dans des réunions dans mon entreprise, etc. Et ce qu'il faut, c'est justement avoir une vigilance extrême à chaque fois. C'est-à-dire que nous prenons la parole, mais il faut qu'on soit vigilant à quand une de nos consoeurs prend la parole, qu'on puisse bien, dans notre prise de parole consécutive, mettre en valeur ce qu'elle a pu dire. Parce qu'autrement, effectivement, le phénomène que vous venez de saluer est très visible, bien oui, sûr. Et puis, il y a le fait aussi que les hommes vous coupent très facilement la parole, plus que nous ne la leur coupons. Le man-interrupting, d'ailleurs, ça porte un nom, c'est le man-interrupting. Voilà. Il faut apprendre à couper la parole. Voilà. France Culture, la conversation scientifique, Étienne Klein. Michel Leduc, vous vouliez évoquer la question des dispositifs correcteurs de biais. Ah oui, alors... Qu'est-ce que vous pensez des quotas ? Est-ce que ça a à voir avec les quotas ? Oui, c'est une façon correcte, politiquement, de parler des quotas. Les quotas pour les femmes dans l'enseignement supérieur à la recherche, c'est un sujet tabou. On n'aime pas en parler. On dit, la France n'aime pas les quotas. On en parle dans tous les congrès internationaux là-dessus. Mais bon, en France, on n'aime pas en parler. Et en particulier, pas les femmes, parce qu'elles pensent que si on introduit l'idée décider de quotas dans les carrières, dans les recrutements. Ça va faire que les femmes seront recrutées et pas sur leurs valeurs, et ça va dévaloriser les femmes. Mmh. Ce n'est pas, je pense, tout à fait juste. Et si on parle de quotas, il faudrait que de toute façon, ce soit des mesures transitoires. Oui. Donc, il vaut mieux parler de dispositifs correcteurs des biais. Voilà. Oui. Et je peux vous en donner un exemple, si Étienne me permet. Ah ben très rapide. Dans un jury. Je n'ose plus parler. Dans un jury où j'étais présidente du jury pour attribuer des postes importants pour la carrière, je ne dirais pas lesquels, j'ai appliqué avec l'accord de l'ensemble du jury un principe de dispositif correcteur qui était le suivant, qui est vous avez un pourcentage de femmes dans les candidats et vous avez un certain nombre de postes à distribuer. On va distribuer le nombre de postes disponibles avec le même pourcentage que le nombre de femmes candidates. Voilà, ça veut dire que vous considérez que les femmes candidates avaient une valeur à peu près du même niveau. Et on va servir les femmes d'abord, on va regarder, on va classer les femmes ABCD les meilleures. On va prendre les meilleures des femmes et puis après, on prendra les meilleures des hommes. Pensez aux femmes en premier. Par exemple, si vous avez 50 candidats et 20 femmes, donc vous avez 40% de femmes dans les candidats, et puis vous allez avoir 10 postes, ben ça veut dire que vous donnerez 4 postes aux femmes et 6 postes aux hommes. Alors, ça va faire hurler tout le monde, parce que si les femmes ne sont pas bonnes, mais vous voyez bien qu'à ce niveau de compétition, il ne faut pas se fonder uniquement sur la liste des publications, parce qu'en général, c'est ça qui se passe, et que si on regarde de près les dossiers, on trouve des dossiers remarquables de femmes qui ne se sont pas auto-censurées. Mmh. Voilà. Donc la liste des publications, comme vous le disiez, n'est pas que le seul critère. Oui. Parce qu'il y a quand même des congés de maternité pendant lesquels vous publiez moins. Moi, j'ai eu 2 enfants. Pendant les années où j'ai eu mes enfants, j'ai moins publié. Et les femmes, c'est pareil. Il faut en tenir compte et pas comparer les listes à l'identique. Ouais. Sur les quotas, moi, ça me fait penser à plusieurs choses. Il y a effectivement une certaine réticence des femmes qui sont déjà à l'intérieur des écoles ou des laboratoires à ce qu'on mette en place des dispositifs pareils, parce qu'elles ont l'impression que les femmes vont être entachées en disant qu'elles sont illégitimes et ont juste été là. Ma deuxième réflexion, c'est que j'irai même plus loin que ce que vous dites. Faut pas se dire ça, faut se dire je fais aussi bien, de toute façon. Voilà, mais souvent, c'est ce qui a été, enfin, je l'ai vu à l'école 42, c'est plutôt les femmes et les insiders qu'on freinait sur des dispositifs qui pouvaient faire plus de place aux femmes. Deuxième chose, c'est la politique de quotas. Vous parlez d'une certaine proportionnalité avec les candidates. Moi, j'irai même plus loin et je voudrais faire référence à ce... Alors, c'est le champ politique, mais quand on parle de pouvoir, dans le champ politique, on a des politiques de parité, c'est inscrit, etc. Mais par exemple, dans l'émergence du mouvement En Marche auquel j'ai appartenu, il y a eu un moment, alors c'était à l'automne 2016, où on a fait appel à des candidatures pour aider à structurer le mouvement. 10 000 candidatures. 1 000 candidatures femmes. Et pour autant, il fallait que les référents, et c'était cher à Emmanuel Macron, référents et référentes, il fallait qu'on atteigne 50%. Moi, j'ai eu l'opportunité qu'on me propose de devenir référente, mais souvent on m'a dit « mais on est allé chercher des femmes ». On est allé les chercher parce que l'idée, c'était, ce n'est pas parce que sur les 10 000, il n'y a que 1 000 femmes qu'on va finalement se dire qu'il n'y aurait que 10% de référentes. Et ça, c'est une vraie politique de conviction, c'est que là, on va faire émerger. Et son prolongement s'est trouvé ensuite dans les élections législatives. Comme on est conscient des barrières qui peuvent être à l'entrée, qu'elles soient de l'autocensure, qu'elles soient des préjugés, eh bien, on les déconstruit et on les corrige, comme on dit, sur les dispositifs correcteurs. Mais quelle a été la réaction des candidats hommes ? Bien, les candidats hommes, beaucoup ont été déçus. Je pense que beaucoup d'entre eux n'ont pas pris conscience qu'il y avait une si grande différence entre le nombre de candidatures femmes et le nombre de candidatures hommes. Je pense que moi, ça m'a marqué parce que là, je voyais le vrai différentiel et j'étais pleinement concernée puisque en étant nommée référente. Mais c'est... Je pense que certains ont pu peut-être avoir cette réflexion de, ah ben là, voilà, d'avoir passé leur chance. Mais je pense que beaucoup d'autres ont salué par contre la démarche. Et c'est pour ça qu'il faut impliquer les hommes. Il faut qu'ils soient aussi convaincus que les dispositifs correcteurs qui peuvent être appliqués ne sont pas à leur détriment. Ils rétablissent une justice. Il y a un exemple assez bon qui est porté par Isabelle Collet, qui est très dans l'informatique et le genre, qui dit que quand elle se retrouve devant une classe, imaginons vous avez 100 personnes, vous avez 10% de femmes et 90% d'hommes, elle demande à résoudre un problème qui est comment on va désigner les 40 garçons qui n'ont pas leur place ici. Et je trouve que c'est assez bon, c'est de dire qu'il y a une désinégalité dans la société, elle se retrouve ici dans cette classe, mais finalement qui sont les personnes qui n'auraient pas leur place si ces préjugés contre les femmes en sciences n'existaient plus. Michel Leduc, il y a une recommandation dans ce rapport, parmi les 23 qui ont été discutés, que vous voudriez rappeler ? Il y en a une, qu'on n'a pas évoquée, c'est la recommandation 12. Vous parlez de lancer un travail de recherche pour disposer d'indicateurs des inégalités dans les organismes publics de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et ça, Madame Vidal en a parlé aussi. Je pense que... La ministre de la Recherche. Ça serait très important de le faire. Et ça se fait au niveau européen, puisque il y a tous ces programmes. L'Europe travaille beaucoup quand même. Il y a des programmes spécifiques, le programme Integer, le programme GenderNet maintenant, qui donnent des moyens. Ça stimule, mais ça donne des financements qui sont nécessaires pour lancer ces programmes. Ça serait bien et que la France soit très active aussi dans l'élaboration de ces programmes. Et en profite, mais elle en profite déjà, mais elle en profite... Encore plus. Sans vouloir vous interrompre, je voudrais vous citer une phrase qui devrait vous plaire, puisqu'elle va dans le sens du combat que vous défendez, des idées que vous défendez. C'est le cas de Carl Friedrich Gauss, mathématicien d'exception qu'on appelait le prince des mathématiques. Au XIXe siècle, il avait collaboré en correspondant avec Sophie Germain, qui à l'époque utilisait un nom d'emprunt masculin qui était Antoine Auguste Leblanc. Et lorsque les troupes de Napoléon ont occupé Brunswick, la ville qu'habitait Gauss, Sophie Germain, qui craignait pour sa vie, a demandé à un général français de le protéger. Et c'est ainsi que Gauss a appris qu'Antoine était en fait Sophie. Et il a écrit cette lettre célèbre, dont les dernières lignes seront la conclusion de cette émission. « Lorsqu'une personne de ce sexe, qui, par nos mœurs et nos préjugés, doit rencontrer infiniment plus d'obstacles que les hommes à se familiariser avec ses recherches épineuses, c'est néanmoins franchir ses entraves et pénétrer ce qu'elles ont de plus caché, il faut sans doute qu'elle ait le plus noble courage, des talents tout à fait extraordinaires et un génie supérieur. » C'est le mot de la fin, non? Je vous remercie Céline Calvez et Michel Leduc d'avoir discuté de cette question de la place des femmes dans la science, dont j'espère qu'elle aura des conséquences heureuses pour la science et pour les femmes. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Cyril Baer, à la technique Catherine Déréter et à la réalisation François Connac. Tout de suite, c'est-à-dire dans quelques instants, vous retrouvez Christophe Onodibio pour le temps des écrivains.